Bonjour et bienvenue à l'Université d'été d'Izmir 2009. Ceci est un petit enregistrement simplement destiné à vous montrer qu'il n'est pas très difficile d'enregistrer puis de publier des voix d'élèves sur Internet.